par SMS au 70 2000, les experts consacrés donc à la caisse d'allocation familiale, avec donc l'allocation logement en ligne de mire 99 2000. 10h15, 11h30, Isabelle Waro et les experts de la CAF sur Réunion Première. Belle journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la première 10h. Voici le flash de France Info. L'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Les deux ténors du barreau qu'il défendait renoncent. Ils n'ont pas réussi à faire parler leurs clients suspectés des attentats de Paris. Les drones piégés, nouvelle arme de l'État islamique. Deux soldats français en ont été victimes en Irak. L'appareil a explosé, les a blessés. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à couteau tiré à la veille du premier débat de la primaire à droite. En meeting hier soir, l'ancien président n'a cessé d'attaquer son principal rival. Les frères Dardenne, de retour au cinéma avec un 10e film, La fille inconnue, avec la talentueuse Adèle Haenel. France Info. On commence donc par cette info du matin et elle concerne Salah Abdeslam. Le suspect clé des attentats du 13 novembre n'a plus d'avocat. Ses deux conseils, le français Franck Berton et le belge Sven Marie, ne veulent plus le défendre. Il l'annonce à plusieurs médias, Bintili Diallo, et il s'explique. Les deux avocats de Salah Abdeslam jettent l'éponge. À partir du moment où cet homme a choisi de se murer dans le silence, mon rôle cesse, explique Franck Berton dans l'Obs. C'est une décision que nous avons mûrie avec le temps, précise Sven Marie. Dès le début, les deux avocats avaient posé leurs conditions. Ils acceptaient de défendre Salah Abdeslam s'il s'exprimait, mais leur client reste muet. Un mutisme pour contester ses conditions de détention à Fleury-Mérogis, explique Franck Berton. D'après lui, il ne fallait pas mettre Salah Abdeslam sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. Ce n'était pas nécessaire, même contre-productif. L'avocat du barreau de Lille critique aussi le gouvernement. Les postures politiques ont desservi le combat judiciaire. Salah Abdeslam est devenu le symbole de la lutte antiterroriste, enjeu présidentiel majeur, dit-il. Franck Berton et Sven Marie en sont persuadés. Leur ex-client ne s'exprimera pas. Les victimes des attentats de Paris n'auront peut-être jamais les réponses qu'elles attendent. Salah Abdeslam a pris la décision de ses avocats la semaine dernière. Il a choisi de ne plus être représenté. C'est donc seul qui devrait se rendre à son prochain interrogatoire. Ce sera le mois prochain. Et une première réaction ce matin sur France Info, celle de l'avocate Samia Maktouf, qui représente plusieurs familles de victimes des attentats de Paris. il n'a jamais, de toute manière, été dans une posture de vérité, d'explication. Il n'a fait que faire croire qu'il allait coopérer. Aujourd'hui, pour les victimes, bien sûr que c'est ressenti comme du mépris, parce que ces victimes attendent une vérité, des explications. L'instruction continuera avec ou sans lui. Il est fidèle à ses convictions de terroriste. C'est une attitude lâche. C'est une attitude de quelqu'un qui a toujours été dans le mépris et dans dans cette posture de haine et de violence. L'avocate Samia Maktouf, invitée de France Info ce matin. Après les attentats de Paris et celui de Nice, François Hollande avait décidé de créer une garde nationale. La mesure va être lancée ce matin en Conseil des ministres. Cette garde sera composée de réservistes de l'armée, de la gendarmerie et de la police qui seront chargés de surveiller le territoire et de sécuriser les grands événements. La région Île-de-France va accorder une subvention de 283 000 euros au Bataclan. Cette aide qui sera votée aujourd'hui va servir à racheter du matériel de son et de lumière. Tout a été endommagé lors de l'attaque terroriste du 13 novembre. Le Bataclan doit rouvrir dans un mois. Deux soldats français grièvement blessés en Irak. Les deux commandos parachutistes se trouvaient aux côtés de combattants kurdes près d'Erbil dans le nord du pays. L'attaque dont ils ont été victimes remonte au 2 octobre et elle est totalement inédite. Ils ont été touchés par un drone piégé, nouvelle arme des djihadistes de l'État islamique. Jérôme Jadot est à Erbil pour France Info. C'était dimanche dernier, une semaine après l'attaque qui a blessé les deux Français. Voilà ce que racontait un milicien anti-État islamique sur les ondes d'une radio à destination des habitants de Mossoul. Aujourd'hui, nous, les forces Al-Achad al-Watani, nous avons fait tomber un drone envoyé par les salauds de Daesh. Des drones qu'on achète facilement sur les marchés irakiens. L'État islamique les utilisait déjà pour de l'espionnage, mais va désormais plus loin, explique Athil al-Nujaifi, ex-gouverneur de Mossoul reconverti en chef militaire. Daesh utilise maintenant une nouvelle technique. Ils envoient des drones pour filmer et localiser nos postes de tir. En même temps, cet avion est piégé et quand il tombe, une fois sa mission terminée, ça fait une grande explosion. Sur le front sud de Mossoul, où djihadistes et armées irakiennes se font parfois face à quelques centaines de mètres, le général Al-Jibouri, qui pilote l'offensive, relativise toutefois la portée de cette menace. L'usage de ces drones est limité et pas très efficace. La coalition surveille étroitement le décollage de ces engins. Nous visons ensuite les endroits d'où ils s'envolent. Au début de l'été, le Pentagone semblait lui plus inquiet de ces drones piégés de l'État islamique, demandant même une rallonge budgétaire de 20 millions de dollars pour développer des technologies permettant de les contrer. Erbil, Jérôme Jadot, France Info. Et les deux soldats ont été rapatriés en France pour être soignés à l'hôpital militaire Percy de Clamart. Il est 8h presque 6 sur France Info. Nicolas Sarkozy est allé galvaniser ses partisans en Haute-Savoie. Il a passé la journée d'hier dans le département avant de tenir un meeting dans la soirée à Archan. L'occasion pour lui de répondre à la dernière pique d'Alain Juppé qui déclarait avant-hier « En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir ». Nicolas Sarkozy a beau faire mine de ne pas vouloir croiser le fer, il a quand même beaucoup parlé de son rival dans son discours hier, Yannick Falt. Nicolas Sarkozy l'assure avant le meeting, pas de polémique. Vous savez, en campagne électorale, il y a la tentation de faire des petites phrases, de dire des méchancetés. Moi, je ne veux pas de ça. Monsieur Juppé dit ce qu'il veut dire. Je ne pense pas que ça fait avancer le débat. Moi, je veux parler aux Français, des solutions pour la France. Ça me paraît une autre hauteur de vue. Mais à la tribune, changement de ton, les oreilles d'Alain Juppé se mettent à siffler. Lui qui se surnomme le Bonze de Bordeaux, l'ancien chef de l'État dégaine un tout autre sobriquet. On n'a pas le droit de parler d'identité de la France. Hop, à moins qu'elle soit heureuse. Soyons ravis. Il y en a toujours un dans la crèche. Pas de méchanceté, donc pas de petite phrase. Nicolas Sarkozy, plus que jamais, en mode « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Vouloir se faire élire avec les voix de la gauche, c'est se préparer à des petits arrangements. On va mélanger un peu de gauche puis un peu de droite. On va faire un peu d'ambiguïté. Je veux exactement le contraire. Après 5 ans d'une présidence molle, je ne veux pas d'une alternance molle. Après 5 ans d'une présidence impuissante, je ne veux pas d'une alternance de l'impuissance. Et en petit comité, Nicolas Sarkozy l'assure, les Français sont juges, ils seront très sévères avec ceux qui veulent polémiquer, insulter. Je ne serai pas de ceux-là. Archand, Yannick Falt, France Info. Et voilà qui promet un débat animé demain soir. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et les 5 autres candidats à la primaire de la droite participeront à leur premier débat. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 euros par mois. La situation s'aggrave selon la MSA, la Sécurité sociale des agriculteurs. Ils sont 1/3 aujourd'hui alors qu'ils étaient 1/5 en 2014. Et puis les frères Dardenne, c'est au polar ? Un polar qui vire au drame social, comme toujours, hein, avec ce duo belge. La fille inconnue, c'est le titre de leur 10e film qui sort aujourd'hui au cinéma avec l'actrice Adèle Haenel, Thierry Fioril. C'est du Dardenne à l'os d'une sécheresse qui n'a pas emballé le dernier festival de Cannes, mais le duo aux deux palmes d'or offre à Adèle Haenel un rôle magnifique taillé sur mesure pour cette actrice et qui surprend à chacun de ses films. On en reparle, a déjà dépassé d'une heure. Adèle Haenel est Jenny, jeune médecin qui reprend le cabinet d'un généraliste dans un quartier où la misère humaine est au coin de la rue. Un soir, tard, cette misère sonne à la porte. Jenny, épuisée, ne répond pas. Le lendemain, elle apprend qu'il s'agissait d'une jeune Africaine retrouvée morte dans la nuit. La médecin est pétrie de culpabilité et va mener sa propre enquête. Un combat qu'Adèle Haenel s'est totalement approprié. On a toujours un peu honte de survivre face aux gens qui ne survivent pas. On a toujours un peu honte d'être bien face aux gens qui sont mal. Enfin, voilà, on a la culpabilité. Elle nous traverse tous à un moment donné. La différence, c'est qu'à une petite échelle, on prend la responsabilité d'agir. Dans le film, en fait, il n'y a pas de psychologie intérieure. C'est déjà symptomatique de trouver qu'on va trop loin et qu'on ne se contente pas de dire « Ah bah oui, non, mais de toute façon, je ne peux rien faire. » Parce qu'au final, ce serait ça la logique. Dans notre climat, c'est un peu ça. C'était plus d'une heure après la bonne consultation. Vous ne pouvez pas savoir. Et dans sa quête, Jenny dérange. Elle soulève la fange de cette zone sinistrée. Alors oui, effectivement, les frères Dardenne sont dans un registre aride, mais ce n'est que le reflet de l'époque. La fille inconnue des frères Dardenne en salle aujourd'hui. Mathilde Munoz pour les infos. h09 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Côté météo, vous l'aurez remarqué au réveil, il y avait bien quelques nuages sur la façade est de l'île, de la pointe de la Table à Sainte-Marie. Mais au fil de la matinée, eh bien, toutes ces entrées maritimes se sont dissipées. Cet après-midi, eh bien, le ciel va se couvrir un petit peu plus, particulièrement à l'est d'une ligne allant de Sainte-Suzanne à Saint-Pierre. De faibles précipitations ne sont pas à exclure le long des contreforts du volcan. Mais les plus hauts sommets, au-dessus de 2000 mètres, vont profiter eh bien, d'un bel ensoleillement. Au fil des heures, couverture nuageuse qui va gagner du terrain, notamment côté ouest. Des petites pluies seront attendues à mi-pente. Seul l'ouest, la Réunion va continuer de bénéficier d'un temps tout à fait clément, nous dit Météo France. Côté météo, côté température, eh bien des températures maxi qui sont conformes au normal de saison, entre 25 et 28 sur le littoral, 18 et 24 à l'intérieur de l'île. Le vent, il est de secteur est, il est faible, avec des rafales de 40 à 50 km/h entre La Possession et Sainte-Clotilde. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. À Mitterfist, hier, votre quintet s'est couru sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour gagner. Il fallait jouer l'As, le 2, le 5, le 7 et le 8. As, 2, 5, 7, 8 cet après-midi. Eh bien, ce coup-ci, ce sera sur l'hippodrome d'Anguin, le prix du Pont des Arts. Départ prévu à 15h47. 16 partants, 2150 mètres à parcourir. Voici les pronostics du Fouineur, du Gire, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 6, l'As, le 2, le 5, le 7, le 9, le 15 et le 16. 6, As, 2, 5, 7, 9, 15, 16. Pour votre quintet à Anguin, le prix du Pont des Arts, départ prévu à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Les experts, c'est tous les jours sur la première jusqu'à 11h30. Votre émission d'aide, d'entraide, de conseils si vous avez des difficultés, des soucis, des questions à poser. Eh bien, c'est par ici que ça se passe, au 02 62 99 2000. Aujourd'hui, les experts consacrés à l'aide au logement avec les experts de la CAF qui seront avec nous. Odile Damour, Yannick Nanette, nous allons donc parler en long, en large et à travers avec vous eh bien, de l'allocation logement et de la non-décence du logement. Alors, qui a droit à l'allocation logement? Comment est calculé le montant de cette allocation? Est-ce qu'elle est versée aux locataires, aux propriétaires? Sous quelles conditions? Quelles ressources exactes entrent dans le calcul de l'allocation? Que faire en cas de changement de situation? 02 62 99 2000, c'est le numéro de téléphone à composer maintenant pour toutes ces questions. On peut également parler de l'allocation logement pour les étudiants par SMS. Ça se passe au 70 2000 jusqu'à 11h30 sur la première. 10h midi, les experts avec Isabelle Waraud sur Réunion Première. Le temps pour nos invités de s'installer. Voici Benjam sur la première et son titre Perdu d'avance. Arrête toutes les pires assises. M'y connais mes frères, y'a où me saouler debout assise. Moi la pavillère ici, l'état risque à moi. Mais le temps lui compte, alors s'il vous plaît, interromps pas moi. Plaisir tout pas Catherine, retiens à vous. Mais avant tout, j'espère qu'on va pardonner à moi. Le mal est déjà fait. Il tente pas pour moi aller, mais rappelle à où le soin t'es assise dans le sofa. T'es pour demander à nous pourquoi nous les comment. Quand bon Dieu va décider. Des verres qu'on nous étoile. Demain sûrement on va voir mon tête dans le journal. Mais qu'on est en regardant au ticket va faire mal. De monde va causer net avant mal par la moi. S'il vous plaît écoute pas toute la part, toute ça fait l'huile. Puis des verres sans nous demain. On mène à où loin. Puis ça prend un autre sommet. Mais à où pas continuer pour moi. Noye pas dans nos sacrés. Toute la faute laisse moi. Il gagne puis fait rien pour moi. Mais où peut continuer? Où laissera pas où aller? Même si mes sera finalé. S'il vous plaît continuer pour nous deux. Puis qu'on est on a trouvé s'il vous plaît presque pas où. Où laissera pas où aller? Même si mes sera finalé. Mais si où m'a continué veillé. Moi où t'en m'a attendu mais c'est tout presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. La police va coincer la porte. Va poser à où est ta question. Va fouiller dans la case. M'y fait peur à où. Il fait mal à moi. Il est désolé qu'a fouillé mal à bête à où. Dans l'embarras. Mais n'avez pas des rois. Nous avance dans le fait noir. Mais depuis un autre jour. Mais la transforme en poussement. Et c'est moi les pilles. Mais tiens vraiment à zénou. T'as fouillé une esquise à moi. Mais depuis dans la rue. Notre la vie te mérite. Mais tu bébé comme d'autres nous dénoue tes profites. Mais tu bébé ça bien. Et puis avec le temps, mais nous résoudons notre main. N'a état de mon état de bail, ça finit. N'a état de mon nec, mon vivre est fini. Mon dernier mot à soi, les poux. Qu'importe ça que va arriver, qu'à foutre, mais là, y'a un où laissera pas où aller. Même si mes sera finalé. S'il vous plaît continuez pour nous deux. Et qu'on est un zone à trouver s'il vous plaît presque pas où. Où laissera pas où aller. Même si mes sera finalé. Mais si vous m'a continué veillé. Moi où t'en m'a attendu mais si tout presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Presque pas où. Benjam sur la première et son titre perdu d'avance. Jusqu'à 11h, les experts, nous recevons aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions gratuitement Odile Damour et Yannick Nanette, nos experts de la Caisse d'allocation familiale. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Odile, vous serez notre spécialiste de l'allocation logement. Exactement. Avec vous, eh bien, on pourra poser toutes les questions concernant le calcul de cette allocation logement. S'il a coupé, pourquoi l'a coupé, quel type de questions il faut se poser quand on a un arrêt comme ça de son allocation logement. Et il tombe plus. On vous appelle. Odile Damour avec Yannick Nanette plus particulièrement. On pourra parler du deuxième volet de l'émission. Il s'agit de la non-décence. Tout à fait. Que ça, donc, la non-décence, Yannick. Alors la non-décence, comme son nom l'indique, au fait ce sont les logements qui ne répondent pas à certaines conditions d'habitabilité. Et il s'agit là de peut-être faire un petit point sur qu'est-ce qu'un logement non décent, quelles sont les démarches à effectuer, quel serait l'impact sur la location logement. Parce qu'il peut y en avoir, il faut le savoir. Complètement. Oui. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Eh bien, vous n'hésitez pas à nous appeler, vous avez besoin d'en savoir plus sur la location logement. Comment le montant est calculé, à qui elle est versée. Vous avez des questions à poser également concernant votre logement. Est-il non décent ou pas? Et quel impact sur votre allocation? Ça se passe au 99-2000, à tout de suite. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Les experts, Odile Damour, Yannick Nanette de la Caisse d'allocation familiale. Coup de projecteur aujourd'hui jusqu'à 11h30 sur l'allocation logement et la non-décence d'un logement. Toutes vos questions au 02 62 99 2000 pour en savoir plus sur le calcul, le versement de cette allocation logement. Est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce que cela vous concerne? Dans quelle proportion? Comment? Que faire en cas de changement de situation? Quelles sont les ressources qui rentrent dans le calcul de l'allocation logement? 02 62 99 2000. On peut parler également de la non-décence des logements, on le voyait avec Yannick Nanette. Et justement, concernant la non-décence, qu'est-ce que c'est qu'un logement qui est indécent, Yannick? Est-ce qu'il y a des conditions, des critères bien précis, ou bien est-ce qu'il suffit qu'il y en ait une fissure sur le plafond pour que mon logement l'ait indécent? Alors oui, c'est plus compliqué que ça, j'imagine. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. C'est vrai qu'effectivement, la non-décence, elle est constatée. Donc il faut, bien entendu, se rendre compte, donc dans le logement du locataire, donc des éléments qui peuvent constituer cette non-décence-là. Donc ça peut partir effectivement avec des taches qui apparaissent au niveau du plafond ou au niveau des murs, qui peuvent être donc, qui témoignent au fait d'une infiltration d'eau. Vous pouvez effectivement aussi avoir d'autres éléments au niveau du bâti, par exemple un endommagement au niveau de la peinture qui est assez prononcé, des fissures importantes au niveau du mur, des éléments on va dire d'habitabilité comme une salle de bain équipée par exemple, d'une baignoire, une douche, de l'eau potable dans un logement, des toilettes qui ne se situent pas à l'extérieur du logement. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui sont à apprécier pour déterminer cet élément-là de non-décence. Voilà, vous l'aurez compris, un vaste sujet qui nécessite bien une émission consacrée entièrement à ces deux volets, l'allocation logement et la non-décence. Justement, on va aller au standard. À Sainte-Marie, Jessica est avec nous pour justement une question sur cette notion de non-décence du logement. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Non, écoute, à vous, Jessica. Alors en fait, j'ai une question, ça concerne le logement de ma grand-mère. Oui. Donc elle a plus de 90 ans. Mmh. Et elle habite un logement où récemment, ça va faire plus de 3 semaines, il y a eu un incendie. D'accord. Donc chez son voisin. D'accord. Et dans le logement, apparemment, il y a des choses qui ont pourri, notamment de la viande. Ah. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle se retrouve avec un logement. Comme elle est juste à côté, elle est mitoyenne. Mmh. Elle se retrouve à se calfeutrer à l'intérieur de chez elle. Et avec ses odeurs de décomposition, quoi. C'est juste impossible de rester dans la case avec une odeur comme ça, quoi. Elle est invivable, elle est obligée de mettre des brûleurs de senteurs partout. Oh là là, pauvre mamie. Parce qu'en fait, sa porte d'entrée donne sur la porte d'entrée du voisin qui est mitoyen avec la cuisine, donc les nacos, tout. Donc l'appartement est fermé depuis plus de 3 semaines et il n'y a toujours aucune réparation, rien, personne n'est venu, le locataire n'est plus là, enfin voilà. Et donc, sauf que mamie, elle est à côté dans le logement qui est mitoyen, donc elle n'a pas grande solution pour le moment. Hein. Oui, et en plus, c'est la seule qui est mitoyenne avec le logement. Ah. Donc, ma question était, à ce jour, est-ce que je peux faire jouer cette notion de non-décence pour éventuellement essayer de trouver un moyen pour la changer de logement ou que le nécessaire soit fait, quoi, parce qu'elle est plus toute jeune et elle est... On comprend bien. 90 elle ans, elle a besoin de vivre un peu un nuit de paix, comme il dit, au lieu de se préoccuper de ce genre de choses. Alors... Celle-là, je serai cassée avec ce genre de choses. Bah, je comprends bien. Vous êtes gentille, en tout cas, Jessica, de vous occuper des problèmes de mamie. Hein. Yannick Nanette. Pensez-vous du cas de la mamie de Jessica? Oui, si j'ai bien compris, Jessica. Donc, votre mamie, elle est locataire de ce logement, c'est bien ça? Tout à fait. Il s'agit d'un appartement ou d'une maison individuelle? D'un appartement rez-de-chaussée. D'accord. Enfin, rez-de-chaussée, oui et non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'étage escalier à monter, mais il y a un dénivelé, donc elle se retrouve au premier d'accord. étage. D'accord. Elle est locataire de ce logement ou propriétaire? Oui, locataire. Elle est locataire, d'accord. Il s'agit d'un bailleur privé ou d'un bailleur social? Votre mamie, elle est... Social, je crois, ça commence par un S. Ça commence par un S, d'accord. Oui, on a quelques on a deux possibilités. Ouais, c'est ça, il y en a au moins deux. Non, oui, il n'y a pas de souci. Alors Jessica. Écoutez, dans cette situation-là, elle, on va dire que son logement n'est pas à l'origine de non, la non-décence. En tout cas, si non-décence il y a. C'est un dommage collatéral, donc, même si c'est un oui, gros dommage. Oui, on va dire qu'elle subit un petit peu cet accident-là que son voisin a eu hein, donc récemment. D'accord. Donc je pense que. Peut-être par rapport à l'ampleur des vous parliez d'incendie tout à l'heure, je pense que probablement le bailleur il doit être au courant hein, de la situation. Donc je pense que les services, en tout cas concernés, ont été sollicités. Je pense à l'ARS ou peut-être à la commune également. Non. Vous non, savez si, non, non. si vous savez non. Il y a juste les pompiers qui sont venus pour éteindre l'incendie. D'accord. Et la police qui est venue constater parce qu'apparemment il y avait infraction sur la porte d'entrée, mais c'est tout. D'accord. Bon, d'accord. Alors il faudrait peut-être commencer par prévenir les je services pense que concernés, voilà, là. Il faut véritablement être dans l'alerte. Essayez, bon, je pense que votre mamie, elle est quand même assez âgée, peut-être vous faire les démarches à sa place. Oui, ce mais c'est vous... en ce sens que, justement, je vous appelle, parce qu'elle a plus la force ni le courage, et puis je pense qu'à son âge... Oui, mais je comprends, tout à fait. Et voilà, pour profiter écoutez, du temps qui reste. Ouais, la première chose à faire, ce serait peut-être de contacter le bailleur. Exactement. D'accord. Directement. Par courrier, voilà. Par téléphone, par comment? Écoutez, par téléphone, hein, de toute façon, dans toute démarche, ce qui est toujours bien, c'est de formaliser votre démarche. Donc, vous pouvez très bien faire un courrier en parallèle. Mais vous allez peut-être déjà, dans un premier temps, avoir des premiers éléments de réponse par un simple coup de fil. Ou peut-être vous rendre dans une agence, enfin, l'agence la plus proche, l'agence d'accueil la plus proche de ce fameux bailleur. Mmh. Hein. D'accord. Je pense, compte tenu de cette situation-là, je pense qu'il y a déjà probablement, on va dire, des procédures d'engager, parce que même les pompiers qui interviennent généralement sur ce genre de situation donnent l'alerte, soit au bailleur, soit à la commune ou à l'ARS. En tout cas, les services en charge à la fois de la sécurité des personnes, etc., sont généralement sollicités dans ce genre de situation. Donc voilà, moi D'accord. je pense... Faites cette démarche-là auprès du bailleur de votre mamie. De mamie. Et je pense que vous alliez recevoir les éléments de réponse, en tout cas, de ce côté-là. Jessica, si vous le permettez, nous allons garder votre numéro de téléphone et on se permettra, de vous repasser un petit coup de fil dans les prochaines semaines, voir si la situation de mamie s'est un petit peu arrangée, améliorée, si ça a bougé au moins un peu. D'accord. D'accord. Parce que les bruits de glace, c'est difficile à justifier par courrier, c'est des odeurs. Bah c'est ça. On peut pas faire trop tôt. Ouais. Par contre, s'ils pouvaient venir sentir, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Alors, restez à l'écoute. Pour le leur apporter, ce serait sympa. Restez à l'écoute, parce que je vais préciser tout à l'heure à l'antenne. Mm-hmm. Donc les coordonnées de l'ADIL, hein, qui est donc un partenaire aussi privilégié d'accord. de la CAF, qui intervient également. Et qui intervient dans les également. Experts. Donc on a des experts, des juristes, donc en logement, qui pourront aussi vous renseigner sur les démarches à entreprendre hein, dans ce genre de situation, à faire valoir les droits de votre mamie sur cette situation précise. Ok, Jessica. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Yannick, pour aller un petit peu plus loin concernant le cas de la mamie de Jessica, est-ce que les odeurs, d'une manière générale, les mauvaises odeurs, si on est à côté, je sais pas, de Mouni Brûle, je sais pas quoi ça, on est à côté de voisins, nana 3-4 cochons, 12 bœufs, 14 poules, est-ce que ça, ce type de difficultés, de critères, ça peut rentrer dans la non-décence ou pas du tout, ou l'indécence est forcément quelque chose qui se voit et pas qui se sent. Mais écoutez, je dirais que ça fait partie, en tout cas, des éléments à prendre en compte, puisque c'est bien entendu lorsqu'on est confronté à ce genre de de nuisance, forcément, ça porte atteinte quand même à une certaine... La jouissance tranquille, paisible de son logement. Mais de son logement. C'est ça. Complètement. Pour le coup, les odeurs viennent du logement d'à côté. Donc, pour le coup, la non-décence pour le droit chez nous à la caisse d'allocation familiale. La non-décence, c'est concernant son logement. Son logement. Le problème vient de chez soi. Voilà. D'accord. Dans ces situations-là, effectivement, il faut apprécier la situation de manière plus général. Il faut connaître, donc apprécier l'origine de ces nuisances-là. Dans ce genre de situation-là, à moins de dire une bêtise, je pense qu'il serait bien de peut-être s'informer auprès de la mairie, auprès de la commune. 02 62 99 2000 pour parler de non-décence du logement, mais aussi de l'allocation logement de manière très générale. 99 2000, l'allocation logement, ça tombe bien, c'est le thème de la question d'Andelair de Sainte-Anne qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Andelair, j'ai bien dit le prénom ? Oui, c'est bien ça. Très bien. Nous vous écoutons. Posez votre question. Concernant mon aide de logement, j'ai un problème avec SH Le Maire et la CAF. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, Andelair ? Alors, j'avais payé mon loyer, mois passé, à 160 euros. D'accord. C'était le dernier mois que je paye cette somme. Et ce mois-ci, je dois payer 113 euros. D'accord. Et puisque la CAF a pas encore reçu le courrier du SH Le Maire, du coup, mon loyer, je paye plein. Et mon aide au logement est suspendue. Ça fait combien, le loyer plein, Andelair ? 466. Ah oui, ça vous change quand même carrément la vie, quoi. 466 au lieu de 660, 73. Alors, Odile Damour va certainement avoir besoin d'un petit peu plus de renseignements, d'accord ? D'accord. Alors, allez-y, Odile. Alors, vous nous déclarez, en fait, que votre montant du loyer, donc, il a diminué, c'est ça ? De 160 ? Non, c'est que mon loyer est 466. Oui. Donc, mon aide de logement est suspendue. Il faut que je paye plein ce mois-ci. Ah, oui, d'accord. Mais il faut savoir pourquoi l'allocation logement est suspendue. Est-ce que vous savez pourquoi, Andelair ? Puisque SH Le Maire, qui est le CMC qui a occupé mon dossier, ils ont déjà envoyé un papier à la CAF. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore reçu. C'est-à-dire quoi ? Il y aurait eu une situation d'impayé ? Ouais. D'accord, ok. Donc en effet, si l'allocation logement était suspendue, c'est que sur la procédure d'impayé, il y a eu soit un document qui était absent sur le plan d'appurement ou sur la fin de l'impayé. Le document est déjà envoyé à la CAF. D'accord, donc c'est justement peut-être ce document qui n'a pas encore été traité et qui a entraîné la suspension de vos droits. Voilà. Par contre, il y a eu un plan d'appurement mis en place entre vous et votre bailleur. Dès que ce document sera traité par nos services, vos droits seront rétablis. Donc avec un effet rétroactif et la somme ira de nouveau à votre bailleur. Mais ça peut prendre combien de temps, ça, Odile ? Alors, le document a été envoyé par votre bailleur il y a combien de temps, madame ? Le 29 septembre. Ah oui, donc c'est encore un petit peu tôt. Donc s'il est envoyé par voie postale, le temps qu'on le reçoit, donc on le scanne. Après, il faut savoir qu'on a un délai de 15 jours. D'accord. Donc je pense que l'allocation logement du mois de septembre n'avait pas encore été suspendue, si ? Septembre avait déjà été suspendu, d'accord. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faudrait espérer, c'est que le traitement se fasse avant la fin du mois d'octobre, pour que lorsqu'on rétablit les droits, le mois de septembre et octobre partent directement à votre bailleur. Odile, est-ce que ça vaut le coup de passer des coups de fil à la CAF pour savoir où est-ce que ça en est mon dossier, est-ce qu'il faut attendre ? Vous pouvez aussi consulter votre compte, voir déjà si le document de votre bailleur est bien arrivé dans votre dossier. J'ai pas encore reçu. C'est-à-dire ? J'ai déjà consulté mon dossier, il n'y a rien. Ah, d'accord, donc ça veut dire qu'à ce jour, quand même on est le 12, on n'a toujours pas reçu le document. Voilà. Donc en effet, et on ne vous a pas demandé un justificatif au niveau de la CAF ? Non. D'accord, à ce moment-là, vous pouvez soit demander de nouveau une copie à votre bailleur et la mener directement, la porter directement, d'accord. Ou le scanner, ce qui est encore plus rapide, et l'envoyer par mail. D'accord, parce que pour le coup, le traitement se fera certainement plus rapide, puisqu'on n'aura pas le délai de par voie postale ou de scan. Ça se fera directement sur votre compte. Mais quoi qu'il arrive, le droit sera rétroactif, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pense que votre bailleur est au courant de la façon dont travaille également l'organisme. Pour le coup, ils savent que quand le plan d'appurement est mis en place, on fera un rappel. D'accord. Ok. Merci Andelair. Merci, à vous. Bonne journée. 02 62 99 2000. Vous n'hésitez pas. Pardon. Ça arrive, c'est le direct. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la non-décence, mais aussi la location logement au 02 62 99 2000. À tout de suite. blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van, oh, oh, oh, volando con el viento. Les experts sur Réunion Première jusqu'à 11h30. Odile Damour, Yannick Nanette pour vous aider, vous conseiller, vous informer. Nous parlons de la location logement et de la non-décence du logement. 02 62 99 2000. C'est le numéro de téléphone à composer. On va aller faire un tour à Saint-Louis. Georges est avec nous pour une question concernant la location logement. Bonjour Georges. Bonjour madame, bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Et bon, ma question est parce que ma mère qui a une deuxième maison, ouais, j'aimerais pouvoir la louer, mais est-ce que j'ai droit à louer de logement? Alors, monsieur, la location entre les ascendants et descendants ne fonctionne pas. Donc, vous n'aurez pas droit à la location logement pour ce motif. Puisque la maison est à votre maman, vous n'aurez pas droit à la location logement. Entre ascendants et descendants, on ne peut pas accéder à la location logement. Parce que moi, je suis dans un logement à 600 euros et puis ma mère, elle me loue à 450, donc c'est pour ça. Donc, sans aide logement, je ne pourrais pas y vivre. Donc voilà. Mais je suis désolée, monsieur, mais la législation prévoit qu'on ne peut pas ouvrir droit à la location logement quand le logement appartient à son ascendant ou à son descendant. Ah, d'accord. Bon, mais je voulais poser la question. Mais maintenant, au moins, vous êtes sûr, Georges. Oui, voilà. Ça, c'est important. Moi, je ne me suis pas investi dedans. Ah, ou même, on l'a bien fait de téléphoner ce matin, hein. Oui, parce que ça fait déjà un mois on était sur le truc, mais moi j'étais voir sur internet, j'ai dit je prends une confirmation quand même, comme j'ai vu. Et puis voilà. Bon, bah désolé hein Georges. Non, ben c'est pas à vous d'être désolé, c'est à nous plutôt. Bon courage, j'espère que vous allez pouvoir trouver une solution rapidement, d'accord? Merci Georges. Merci beaucoup, au revoir. Donc là, Odile, si ma maman veut me louer un logement, le logement est à ma maman, moi je ne pourrais pas, même étant locataire dans ce logement, percevoir la location logement parce qu'il y a ce lien de parenté. Exactement. Entre maman et moi. Entre maman et vous. D'accord, ça marche entre ascendant et descendant, parents-enfants et parents-petits-enfants. Parents-petits-enfants aussi. Voilà. Après oncle, nièce, cousin, cousine. Ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment entre ascendant et descendant, la location logement n'est pas servie. 02 62 99 2000. Odile Damour, Yannick Nanette de la Caisse d'allocation familiale avec nous au téléphone. Côté ouest de l'île, il y a Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai deux questions à poser. La première concernant la décence. Oui, logement. Oui, oui. Souvent, quand il y a une décence reconnue logement, la CAF coupe carrément l'allocation logement. Ce qui met en difficulté ensuite le ménage. Et le ménage n'arrive plus à payer son loyer et le loyer cumule. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une synergie entre l'État qui prend l'arrêté de la décence et la CAF. Et ça, ça met le ménage en difficulté et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est l'expulsion du locataire. Ça, c'est ma première question. Et c'est plus une constatation qu'une question, d'ailleurs, Jean-Yves. Non, enfin. C'est une constatation. C'est pas grave, Yannick va nous dire si ça marche comme ça ou pas. C'est une constatation, une question, mais je voudrais comment répondre dessus. Pourquoi couper l'allocation logement? Or, on sait pertinemment que les travaux qui sont demandés par le propriétaire ne fait jamais les travaux. Ne fait jamais parce que l'État, en principe, doit faire à la place du propriétaire, et l'État n'intervient pas. Jean-Yves, votre deuxième question, s'il vous plaît. Ça, c'est la première question. La deuxième concernant l'allocation logement. Quand le loyer devient impayé, quand le locataire ne paye pas son investissement pendant un certain temps, là aussi, on coupe l'allocation logement, la CAF. Et dans la plupart du temps, il n'y a pas de rattrapage à temps. Et là, pareil, le locataire est en difficulté, n'arrive plus à payer. Donc, je crois que on regarde pas cas par cas. Parce que je rencontre ça tous les jours. J'appelle parce que je vous le dis tout de suite, hein, je suis M. Nanette qui est au téléphone, qui me connaît, je suis président du comité de relogement pour le département de La Réunion. D'accord. Et là, ce matin, je viens d'aller négocier avec la Chalembert. Là, à l'instant, là, je vous parle, quelqu'un d'expulsé pour 4000 euros de dette parce que la CAF a coupé un modèle sur le logement. On met le locataire en difficulté. Voilà, je pense parce que on regarde pas aujourd'hui la difficulté de la vie, difficulté sociale des gens, mais on intervient tout de suite d'une façon administrativement et purement du fonctionnariat. Voilà. Jean-Yves, merci de votre intervention sur la première. On va laisser Yannick Nanette vous répondre. D'accord ? Merci Jean-Yves. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Yves. Oui. Ah bah apparemment on connaît à lui. Oui, bon. C'est vrai qu'on travaille sur les mêmes problématiques. Alors c'est vrai que là du coup, Jean-Yves soulève quand même une question importante, c'est que souvent on en arrive à des situations où eh bien, il y a des impayés, les gens sont dans la vraie grosse difficulté. Quoi. Oui. Donc là, alors merci pour la question, parce que ça permettra probablement de faire un petit peu bien sûr le jour sur ce genre de situation. Et surtout, comment se passent les procédures? Alors, je ne parlerai pas de l'impayé. Avant de parler de l'impayé, je vais parler du principe, de manière plus générale. La CAF, étant donc payeur de l'allocation logement, doit s'assurer que le logement pour lequel le droit est versé réponde à certaines conditions. En l'occurrence, ici, on est donc sur ces notions de non-décence et de suroccupation, de surpeuplement de logement. Pour que le droit, donc, comme je vous disais, soit payé à juste titre, la CAF veille à ce que ces conditions-là de décence soient remplies. Si, effectivement, la non-décence est constatée sur le logement, la CAF, par le biais des textes, de la réglementation qui est en vigueur, notamment Allure, qui vient aussi réformer là, cette nouvelle façon de procéder là, au niveau des caisses d'allocation familiale. Donc on a, sur la base de ce constat de non-décence, on doit suspendre l'allocation logement, le conserver, le temps que les travaux soient réalisés pour le propriétaire. Donc c'est véritablement une mesure incitative donc, pour permettre la mise aux normes du logement pour que le locataire puisse, lui, continuer donc, à jouir d'un logement qui réponde à toutes ces conditions-là. D'accord. Donc on ne peut pas nous payer l'allocation logement pour un logement qui est non décent. On ne peut pas favoriser ce genre de situation-là. Sachant que vous le précisez, Yannick, le fait de couper, de suspendre, c'est pour inciter le propriétaire à faire ses travaux. Alors, en même temps, je vous disais, c'est une mesure incitative, sachant que l'allocation logement, elle est conservée. Donc, elle est conservée pendant une période de 18 mois. C'est une période qui laisse donc le propriétaire un temps suffisamment important 18 mois, déjà, pour qu'il puisse entamer ces travaux-là. Mais alors c'est incitatif, est-ce que vous pouvez nous dire dans les faits, est-ce qu'il y a combien ? Il y a 70% des propriétaires à qui on demande de faire les travaux qu'ils font, il n'y a que 30%, il n'y a que 10%. Est-ce qu'on a une idée de la portée que ça a, cette coupure, pour inciter les propriétaires ? Moi je vais vous dire oui, ça fonctionne, parce qu'on a pas mal de retours déjà. On a pas mal de retours, on a des propriétaires qui nous contactent justement à l'issue de cette suspension-là qui nous prévienne, hein, qui dit voilà, aujourd'hui j'ai remis mon logement aux normes, donc venez vérifier, parce qu'effectivement la CAF, après que la remise aux normes ait été effectuée par le propriétaire, la CAF se rend sur les lieux et constate que les travaux ont été réalisés conformément à ce qui était constaté au préalable. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pour le locataire qui est dans le logement ? Pour le locataire, lui ne règle que le résiduel de son loyer. Alors je m'explique. Je prends une situation, sur un loyer par exemple de 400 euros, oui. Vous avez l'aide au logement à 200 euros, donc le locataire lui bénéficiaire de cette allocation logement règle son propriétaire 200 euros, donc le résiduel. Lorsque le logement est constaté non décent, les 200 euros donc d'allocation logement sont consignés, voilà. Ils sont donc conservés au niveau de la CAF, et le locataire, lui, ne règle que la différence, donc c'est 200 euros. Donc ça change rien. Ça alors. Ne change rien pour lui. Et comme je vous disais, ce montant conservé par la CAF n'est pas perdu. Si les travaux sont réalisés dans cette période de 18 mois, l'intégralité de l'allocation logement qui a été conservée sur cette période est reversée au propriétaire. D'accord. Alors cette période de 18 mois peut être augmentée en fonction de la difficulté peut-être à réaliser les travaux, si le propriétaire justifie auprès de la CAF que les travaux ont débuté, qu'ils n'ont pas été complètement réalisés, etc. Mais si Jean-Yves précise bien que certains locataires se retrouvent dans la catastrophe, est-ce que ça n'est pas parce qu'au moment où la CAF coupe, consigne sa part donc, du logement, le propriétaire ne se permet pas de demander au locataire de régler la totalité ? Justement, il faut vraiment bien comprendre que le locataire n'a pas à régler l'intégralité de son loyer. Il y a cette notion de non-décence-là qui a été constatée. La réglementation prévoit justement que cette consignation-là se fasse sans que le propriétaire n'ait à réclamer cette différence-là au locataire. Et ça, il faut vraiment dire aux gens à ce moment-là, aux locataires qui se retrouvent dans cette situation, attention de ne pas se faire avoir par le propriétaire. De ne pas se faire avoir. Et puis, là, la grande difficulté, on le sait bien en tant que personne, qu'il y a une pression, qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe entre le propriétaire et le locataire. Donc, mais comme disait mon collègue, en effet, on a cette période où on conserve cette somme. Par contre, puisque justement, on paye l'allocation logement pour un logement qui répond aux normes de décence. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser une famille dans un logement non décent et maintenir l'allocation de logement en versement. D'accord, alors on comprend bien. On peut effectivement comprendre les difficultés de certains propriétaires. On a beaucoup de petits propriétaires qui n'ont bien pas forcément les moyens. Mais là, c'est un autre sujet, bien entendu. Aujourd'hui, il existe des aides. Oui. Ces propriétaires-là peuvent effectivement se rapprocher, je sais pas, de la DIL ou de l'ANA pour pouvoir bénéficier de certaines aides. L'ANA, c'est... Alors, c'est un organisme justement qui... si vous voulez, qui dispense des aides aux propriétaires pour remettre aux normes leur logement. Donc les propriétaires qui ont des logements justement en location. D'accord, et qui auraient des difficultés, pour faire face à des coûts plus ou moins importants sur les travaux. Donc là, je suppose que pour terminer avec la question de Jean-Yves, donc là on a vu dans le cadre de la non-décence, c'est bloqué par la CAF, mais le locataire il paye juste ce qu'il a à payer et tout ne à pas fait. Se faire avoir par le propriétaire. Même chose dans le cadre de la location logement. Dans les impayés, vous voulez. Alors dans les impayés, comme disait Jean-Yves, c'est qu'après de mouler dans la catastrophe aussi. Les impayés sont différents puisque là on n'a pas ce côté où les sommes sont conservées à la caisse d'allocation familiale. Donc pour les impayés, on a quand même un délai donc sur lequel le bailleur, s'il reçoit l'allocation logement, il doit nous signaler quand est-ce qu'il y a un impayé justement pour qu'on puisse le résorber de façon dans un délai correct. Si pour le coup, souvent on se rend compte que lorsque l'impayé est signalé, il s'agit réellement de gros montant. D'accord. Donc après la mise en place d'un plan d'appurement, donc on demande à ce que le plan d'appurement soit respecté et en effet, si le plan d'appurement n'est pas respecté, on saisit des commissions. Il y a tout un processus, la location logement n'est pas suspendue automatiquement. D'accord. C'est vrai que quand au bout d'un an et demi, deux ans, on n'a aucun retour du bailleur ou de la locataire, sans réponse et sans retour, la location logement peut être suspendue, mais on peut aussi le rétablir si nous avons les justificatifs qui sont réclamés. Ce matin jusqu'à 11h30, nous parlons de l'allocation logement et de la non-décence du logement et des conséquences que ça peut avoir. Avec Odile Damour, Yannick Nanette, toutes vos questions 99-2000, à tout de suite. Dans les coulisses 2, le magazine de la rédaction. Les prières quotidiennes, c'est-à-dire... L'homme qui parle a passé plus de 10 ans au sein du groupe de prières. Énorme moyen déployé par les Fazeuils afin de démontrer... Ce soir, la rédaction de Réunion Première vous emmène... Dans les coulisses 2, le magazine de la rédaction, les mercredis à 18h15 et vendredis à 12h15, sur Réunion Première. Première. 10h midi, les experts avec Isabelle Waraud sur Réunion Première. Qui a droit à la location logement? Comment est calculé le montant? Que faire en cas de non-décence du logement? Quelles conséquences sur votre allocation 99-2000? Valentine de Saint-Louis est avec nous pour une question justement sur la location logement. Bonjour Valentine. Bonjour. Valentine qui est une gentille maman puisqu'elle pose une question pour son fils. Bonjour. Oui, madame. En fait, je voulais savoir si justement s'il pouvait être éligible à location logement, dans la mesure où j'avais fait une simulation pour un autre logement auparavant, qui laissait sous-entendre qu'il allait obtenir la location logement et puis finalement il n'a pas reçu. D'accord. Votre fils travaille, madame ? Oui. D'accord, donc peut-être qu'à ce moment-là, quand vous faites la simulation, il faut vraiment donner tous les éléments, hein. Oui, puisque je pense que souvent, ce qu'on peut constater, c'est que quand on demande les ressources, donc dans N-2, hein, pour le calcul des droits, donc si là, on calcule le droit de 2016, on prend les ressources de 2014. Donc, en effet, s'il n'avait pas travaillé ou il avait peu travaillé en 2014 et que vous avez mis un montant, donc on a calculé le droit en fonction de ses ressources 2014. Cependant, si votre fils est salarié sur cette année 2016 et qu'il n'a pas de revenus, on va faire ce qu'on appelle une évaluation forfaitaire. Voilà. D'accord ? Avec son bulletin de salaire du mois précédent, son ouverture de droit. Pour le coup, on prendra son montant net imposable pour pouvoir en faire reconstituer en fait une base de ressources pour 2014. Donc, je pense que peut-être qu'il s'agirait que justement, suite à cette reconstitution de la base ressources, les ressources sont supérieures pour l'octroi du droit à la location logement. C'est un SMIC, hein? C'est un SMIC. Mais alors, il faut savoir que pour une personne seule, il ne faut pas dépasser 12 300 euros annuels, hein, pour bénéficier de l'allocation logement. Donc, on arrive vite à 12 300 euros. Mais votre fils, il a quel âge, madame? 20 ans. 20 ans. Il a eu un refus totalement ou lui a donné, oui, on lui a demandé, oui. On lui a demandé un refus totalement parce que c'est vrai. Alors que sur la simulation internet, il avait droit à 174 euros. Oui. Donc on a attendu presque 6 mois pour nous dire que finalement c'était zéro. Bon, écoutez madame, pour le coup, ce que je vais faire, puisqu'il est difficile à moi de vous donner une réponse exacte, hein, je sais qu'en fonction, en effet, on a une évaluation forfaitaire, mais avec une particularité pour les jeunes de moins de 25 ans. C'est ça, c'est qu'il est jeune. Maintenant, si c'est vrai qu'on a quand même cette reconstitution pour Paul sur le bulletin de salaire, mais s'il a un SMIC, réellement, je pense qu'il aurait éventuellement un droit. Mais est-ce que vous êtes un peu surprise, Odile, par le cas du fils là, de Valentine ou pas ? Non, pas totalement surprise, puisque généralement, je sais que la simulation sur ces jeunes, justement, d'ouverture droit, c'est qu'on met une ressource, on met les ressources annuelles à nul, puisqu'ils n'ont pas travaillé sur 2 ans, en 2014. Et comme ils travaillent actuellement, on fait une reconstitution de sa base ressources. Et souvent, c'est cet élément-là qui n'est pas pris en compte ou qui a été mal complété sur la simulation. D'accord. Puisque c'est pas forcément très simple pour tout le monde. Pour le coup, le droit peut être négatif. Mais ce que je veux faire, madame, si vous voulez bien, hors antenne, laissez le nom, le prénom, la date de naissance de votre fils avec un numéro de téléphone et je vais consulter son dossier. D'accord. D'accord. En fait, si je peux me permettre, je me suis dit peut-être que ça dépend de la dimension de la maison parce qu'il était en colocation, j'ai oublié de vous dire. Donc, le loyer était divisé en deux, mais c'était une maison assez grande. Je me disais peut-être que ça dépend de la superficie de la maison. Non, ça ne va pas être la superficie. Ça va être vraiment en fonction de ses revenus, de sa composition familiale et du montant quote-part qu'il paye en tant que colocataire. Valentine, on va prendre vos coordonnées hors antenne, prendre tous les renseignements et Odile va jeter un yeux. Les bons ? Merci. Il ne mange pas de pain, peut-être va... Voilà, regarde. Merci beaucoup. Merci Bonne Valentine. Journée. Merci pour votre émission. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous être fidèles dans Les Experts. Tous les jours, 02 62 99 2000. On va aller faire un petit tour à Saint-Denis. Il y a Guy qui est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Réunion. Bonjour Isabelle et puis bonjour Odile et Yannick. Bonjour. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui se passe, c'est que j'ai un... je suis propriétaire d'un logement. D'accord. Une case créole. Je l'ai mis en location en 2015, début 2015. Et au bout de 6 mois, donc je n'avais toujours pas de paiement de loyer ou quoi que ce soit de ma locataire. J'ai fait un constat, il s'avère que la locataire a mis le bordel dans la case. A tout détruit. Je sais pas ce qui s'est passé. À mon humble avis, cette personne était malade. Bon, passons. Voilà. Mais enfin, Le problème, c'est c'était que... le bordel. Le problème, c'est que donc j'ai fait un courrier à la CAF pour faire arrêter les locations de logement ou essayer de trouver une solution. Donc, en expliquant que le logement était devenu indécent, il n'y a pas eu de prise en compte. Et quelques mois ensuite, c'est la locataire qui a porté plainte à la CAF donc pour informer de la non-décence de mon logement, alors qu'au départ, voilà... Et que la CAF, entre guillemets, était prévenue justement de ce souci-là. Grosso modo, votre histoire aurait pu être simple, mais finalement, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, ça s'est retourné, entre guillemets, un petit peu contre moi. Et le problème, c'est que moi, j'avais donc fait un courrier à la CAF pour faire arrêter la location de logement. Ça s'est arrêté. Donc, bien sûr, il y a eu toute une réaction en chaîne d'IA, c'est-à-dire donc la CAF, l'ARS. Tout le monde est venu, même la mairie, la préfecture, enfin bon, voilà. C'est bon, c'est une histoire un peu incroyable. Ah oui, ça a l'air de... Voilà, donc faites il y a simple, eu un arrêté simple. De prix et tout ça, donc pour remettre le logement en état d'être habité. Mais le problème, c'est que c'était pas de mon fait. J'avais prévenu, donc, au bout de quelques mois, qu'il y avait des choses graves qui se passaient, que je constatais des choses. Guy, quelle est votre question précise? Alors la question précise, c'est vers qui se retourner justement quand on se retrouve avec un courrier du directeur de la CAF disant que j'ai perçu des allocations de logement alors que c'est pas le cas. J'en ai perçu au départ, mais à partir de mon courrier, donc j'ai perçu quand même d'après le papier 6 mois après avoir fait mon courrier alors que je ne perçais de rien. Donc voilà, bon, ça se monte pas à beaucoup, hein. Ça se monte à 2000 euros. Mais quand même. Mais 2000 euros que j'ai pas perçu. Donc j'aimerais comprendre comment ça se fait que je puisse avoir un courrier. C'est ça, et puis sortir un peu de cette situation où on vous demande un affaire que vous n'avez pas perçu. Hein, donc comment on fait maintenant? Voilà, alors, bon. Qu'est-ce que l'on peut répondre à Guy pour essayer de dépatouiller un petit peu son peut-être affaire? Peut-être moi réagir juste avant la question purement juridique. Oui. Juste peut-être rappeler, parce qu'effectivement la CAF... est acteur hein, de la lutte contre la non-décence, donc sur le département, enfin la CAF de La Réunion. Pour la CAF, il s'agit uniquement de constater la situation de non-décence. La CAF n'a pas la compétence de déterminer qui est à l'origine de la dégradation du logement. D'accord. Donc elle, effectivement, le constat s'effectue sur des éléments purement matériels, hein, qui sont mesurables, qui sont observables. Sur cette base-là, donc un diagnostic, un rapport d'enquête est réalisé, et qui a donc pour effet de suspendre l'allocation de logement. Maintenant, on invite, nous d'ailleurs, parce qu'un courrier donc est à destination du locataire et du propriétaire, donc sont donc envoyés, hein, qui ce courrier-là fait mention donc des éléments dégradés dans le logement, etc. Mais libre au propriétaire, lui qui se sent lésé dans ce genre de situation-là, de faire valoir son droit pour effectivement plaider, de dire ben attendez, je ne suis pas moi, quand j'ai loué mon logement répondait aux normes de décence, hein, d'ailleurs pour preuve on a généralement l'état des lieux d'entrée, hein, ouais. J'invite d'ailleurs les bailleurs à faire des photos, à essayer de réaliser cet état d'entrée des lieux, pardon, donc avec le maximum d'éléments possibles, pour que dans ce genre de situation là ils puissent plus facilement aussi plaider sa cause. Donc voilà, juste ce petit point-là, il me semblait important quand même de préciser que voilà, la CAF ne détermine pas de qui relève la responsabilité de cette dégradation. Elle ne fait que constater la non-décence. Voilà. Et éventuellement, Odile Damour, si vous pourriez rajouter pour le cas de Guy, que ben, faire, comment pour, essayer de sortir un petit peu de tout ça. Pour ce monsieur-là, si réellement il n'a pas perçu les 6 mois, donc il peut quand même faire un courrier sur le compte de la locataire, hein, puisque c'est des paiements qui sont tracés. Donc réellement, s'il n'a pas perçu cette somme, il y a quand même possibilité de revoir le montant du trop perçu qu'on lui réclame. Alors j'ai tout fait, mais apparemment maintenant c'est en conflit, je ne sais pas comment on dit ça, en conflit juridique entre la CAF et moi. Mais ils doivent statuer, mais ça fait des mois que j'attends et j'ai pas de nouvelles sachant pour savoir si effectivement quelle décision a été prise, ou que je devais quand même rembourser la CAF ou pas. Parce que sachant que moi j'ai mes relevés, j'ai pas perçu, donc et là voilà, c'est en instant, je sais pas, j'attends et ça fait quelques mois. Et bien sûr, il y a plus personne dans ce logement et d'ailleurs que je louerai plus, bien sûr. Ouais, vous êtes dégoûté, ça oui. Ça décourage un peu. Bah, d'après vous-même. Je comprends, oui. Oui, donc monsieur, oui, je comprends, il est difficile. Donc normalement, vous auriez dû déjà recevoir, même s'il y a des instances, mais quand même un retour sur, sur la suite donnée à ce dossier. Hein, mais vous avez quand même certainement une partie à rembourser ou pas à la CAF? Vous avez fourni les documents, justement, la, l'état des lieux d'entrée, fourni... J'ai tout fourni à plusieurs reprises. J'ai eu des rendez-vous, plusieurs appels. On m'a dit, ben voilà, l'affaire est en suspens. Guy, hein, il y a une commission qui doit se réunir et jusqu'à présent, j'ai pas eu de... Guy, on a vraiment envie de vous donner un petit coup de pouce, d'accord? Donc, on va prendre vos coordonnées téléphoniques et là encore, Odile Damour, on va encore jeter un œil sur votre dossier, voir un petit peu de plus près ce qui se passe. Effectivement, il nous faut davantage d'éléments. Ouais, hein, on va vous rappeler et on se tiendra au courant pour essayer de trouver une solution parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, la suite de vos questions juste après le journal de France Info, Odile Damour, Yannick Nanette. Toutes vos questions concernant la location logement et la non-décence 02 62 99 2000. Merci d'être avec nous sur La Première, les experts. Continue, rendez-vous après le journal, 11h pour l'instant. L'info avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est donc l'information du matin. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Ses avocats qui renoncent à le défendre. On y revient dans un instant. François Hollande à la recherche des électeurs perdus. France Info vous dévoile ce matin les extraits de l'interview à paraître demain dans l'Obs. Un président pas encore candidat, déjà en campagne. Et aux États-Unis, Donald Trump seul contre tous. Le candidat républicain à la Maison-Blanche, mal en point dans les sondages et de plus en plus isolé. On voit ça à Washington dans quelques minutes. France Info. C'est donc l'information du matin. Les avocats de Salah Abdeslam jettent l'éponge. Ses avocats, le français Franck Berton et le belge Sven Marie, font savoir, notamment dans l'Obs, qu'ils renoncent à défendre leur client parce qu'il a choisi de garder le silence. Selon les avocats, c'est une situation provoquée, notamment par la décision politique, selon eux, de placer Salah Abdeslam sous surveillance vidéo 24 heures sur 24 dans sa cellule de Fleury-Mérogis. Samia Maktouf est l'avocate de plusieurs victimes des attentats parisiens. Sa première réaction face au silence persistant de Salah Abdeslam, c'était ce matin sur France Info. il n'a jamais, de toute manière, été dans une posture de vérité, d'explication. Il n'a fait que faire croire qu'il allait coopérer. Aujourd'hui, pour les victimes, bien sûr que c'est ressenti comme du mépris, parce que ces victimes attendent une vérité, des explications. L'instruction continuera avec ou sans lui. Il est fidèle à ses convictions de terroriste. C'est une attitude lâche. C'est une attitude de quelqu'un qui a toujours été dans le mépris et dans dans cette posture de haine et de violence. Samia Maktouf, l'avocate de plusieurs victimes des attentats de Paris. Et puis dans une interview à Nice ce matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, annonce la création de 24 nouveaux postes dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes pour le suivi psychologique dans la durée des personnes traumatisées par l'attentat de Nice en juillet dernier. François Hollande se lance à la reconquête de ses électeurs perdus. Et pour les retrouver, il a choisi de donner une grande interview à l'Obs qui paraît demain. Louise Baudet a pu en lire des extraits pour France Info. Le président veut solder ses comptes avec la gauche, prêt à accepter les critiques, mais aussi à assumer le bilan. Et il revient largement, Louise, sur les origines du divorce avec ses électeurs de 2012. Il se dit prêt, François Hollande, prêt à l'inventaire de son quinquennat. « Je suis de gauche, dit-il, j'ai mené une politique de gauche, je n'admets pas les procès en trahison. » Alors c'est vrai, certains épisodes ont fâché la déchéance de nationalité. Je mesure le trouble qu'elle a pu créer, mais attention, pas de mea culpa. François Hollande regrette simplement que la gauche y ait vu un facteur de division et l'opposition un sujet de surenchère politique. La loi travail qui a jeté dans la rue le fameux peuple de gauche, une loi sociale, insiste François Hollande, qui entend être comparé non pas au candidat qu'il fut, mais à ceux qui veulent aujourd'hui le remplacer, haro sur la droite, qui met en cause notre modèle social. Une droite dans la revanche, la réaction et la régression. Cible principale, Alain Juppé, ce qu'il propose est moins une identité heureuse qu'une solidarité malheureuse. François Hollande change d'adversaire préféré, mais pas de braquet. S'il n'est pas in fine candidat, il s'y sera en tout cas bien préparé. Louise Baudet du service politique de France Info. Renault annonce le recrutement de 1000 personnes supplémentaires en CDI en France d'ici la fin de l'année, ce qui fait un total de 3000 embauches en CDI en 2 ans. Le groupe affirme qu'il dépasse très largement les objectifs de l'accord de compétitivité signé avec les syndicats en 2013. La présidentielle aux États-Unis, Donald Trump de plus en plus seul, y compris au sein de son parti. Il s'est lancé dans une fuite en avant sur fond de sondages de plus en plus mauvais, 7 à 8 points d'avance pour Hillary Clinton à un mois du scrutin. Et Trump lâche ses coups pour dénoncer le lâchage de la part de nombreux dirigeants républicains. Ce n'est pas un Trump en campagne, mais plutôt en guerre contre tous ceux qui ne sont pas avec lui et ça commence à faire beaucoup de monde. À Washington, pour France Info, Frédéric Carbot. C'est à se demander si Donald Trump croit encore à la victoire ou s'il est déjà dans le règlement de compte après la défaite. Le candidat républicain a passé l'essentiel de sa journée à s'en prendre à son parti sur les réseaux sociaux. Comment gagner si on ne me soutient pas? Les démocrates au moins sont unis. Et encore quelques mots sur le faible, inefficace et déloyal Paul Ryan dont il n'a rien à faire du soutien. En ce dernier mois de campagne, Donald Trump a l'intention de ne rien s'interdire. « J'ai enlevé les menottes », écrit-il sur son compte Twitter, « et je peux me battre comme je l'entends ». Ce n'était pas flagrant qu'il soit dans la retenue, mais effectivement, ces jours-ci, le ton monte d'un cran. « Lock her up is right ». C'est ainsi le candidat lui-même qui appelle en meeting à mettre Hillary Clinton en prison. La foule reprend en cœur, ce qui est devenu un classique. Donald Trump abandonne également le prompteur. Plus question de faire présidentiable ou de prononcer des discours thématiques. Pendant un mois, il a suivi les conseils de sa nouvelle directrice de campagne. Retour aujourd'hui à la ligne des primaires. Le candidat est auprès de son peuple dans un processus d'identification. « Je suis de la classe ouvrière », lance le milliardaire devant ses électeurs en Pennsylvanie. Washington, Frédéric Carbone, France Info. Il était parti avec la vaisselle. L'ancien président de la Polynésie française, Gaston Flosse, vient d'être condamné à près de 17 000 euros d'amende pour détournement de biens publics et recel. Il était poursuivi pour s'être approprié une partie de la vaisselle appartenant à la présidence polynésienne, un service de luxe. À 85 ans, Gaston Flosse purge par ailleurs une peine de 3 ans d'inéligibilité, mais il a déjà annoncé son intention d'être candidat aux prochaines élections territoriales en 2018. Les championnats du monde de cyclisme à présent, c'est en ce moment au Qatar et c'est la première fois que l'Émirat accueille la compétition. Et pour le Qatar, c'est une nouvelle étape dans son programme de développement du sport, lancé au début des années 2000, à Doha pour France Info, Fabrice Rigobert. À défaut d'avoir des champions, le Qatar est devenu un acteur majeur du sport grâce à la mise en œuvre de son plan Qatar National Vision 2030, dont le but est de diversifier les investissements de l'émirat en mettant en avant sa modernité, sa richesse, son innovation. 100 milliards de dollars de dépenses sont prévus dans les prochaines années pour l'accueil des plus grands événements. Après les mondiaux de natation en petit bassin en 2014, les championnats du monde de handball, de boxe olympique l'an dernier, le cyclisme cette année, la gymnastique est attendue en 2018, l'athlétisme en 2019, puis la Coupe du monde de foot en 2022. Le tennis et la moto ont aussi leur place chaque année. Ne manque plus que la Formule 1 et les JO. Le mois prochain, les membres du CIO seront presque tous à Doha dans le cadre de l'Assemblée Générale des Comités Olympiques. À ces organisations s'ajoutent les investissements dans les clubs comme le PSG et les chaînes de télévision détentrices de nombreux droits de retransmission. Une bien belle image à condition de mettre sous le tapis les violations du droit du travail sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde et surtout la mort de plus de 1800 ouvriers selon un chiffre repris par la BBC en juin. Doha, Fabrice Rigobert, France Info. Il est 9h07, c'est l'heure du couperet des audiences télé avec Céline Aslo. Les chiffres, Céline. Et c'est la série américaine Blindspot qui s'installe en tête du classement. C'était bien sûr sur TF1, suivi par 4 100 000 téléspectateurs. France 3 est à la seconde place avec La Loi de Christophe. Série avec Richard Anconina, 3 millions de téléspectateurs. M6, Rechercher des appartements et des maisons avec Stéphane Plaza et 2 900 000 téléspectateurs. France 2, de son côté, s'intéressait aux greffes d'organes, aventure de médecine présentée par Michel Simès, suivie par 2 200 000 téléspectateurs. Et puis, excellent score pour le documentaire présenté hier soir par W9, consacré à Jean-Jacques Goldman. 1 400 000 fans étaient hier soir devant la chaîne du groupe M6. Céline Aslo, on vous retrouve dans quelques minutes sur... Et les 11h08 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Ce matin, 2-3 petits nuages dans le ciel. Au cours de la matinée, il a fait beau et cet après-midi, ça va se couvrir un petit peu plus, notamment à l'est d'une ligne de Sainte-Suzanne à Saint-Pierre. Au fil des heures, une couverture nuageuse qui va gagner du terrain côté ouest avec des petites pluies qui pourront se produire sur l'ouest malgré tout. Il continuera de faire un très beau temps. On embrasse tous ceux qui ont prévu d'aller faire un tour à la plage. Remarquez, les températures sont parfaites, entre 25 et 28 sur le littoral. Et puis pour ceux qui préfèrent les balades en forêt, 18 à 24 à l'intérieur de l'île. Le vent de secteur est faible avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h entre La Possession et Sainte-Clotilde. Et pour demain, jeudi, là encore au réveil, petite grisaille sur l'est, mais bon, là-bas dans l'est, nous finit habitué. Les conditions ensuite seront agréables pour la journée avec un petit ennuagement, mais sans grandes conséquences sur cette impression de beau temps. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Les experts, c'est jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui, nos experts, ils sont deux. Odile Damour, Yannick Nanette. Ensemble, nous parlons de la location logement et de la non-décence du logement. Alors, qui a droit à la location logement? Comment est-ce que est calculé ce montant? À qui elle est versée? Aux locataires, aux propriétaires? Pourquoi? Quelles ressources entrent dans le calcul de la location logement? Vous pensez que votre logement est non-décent? Faut en être sûr, auquel cas, un petit coup de fil au 99-2000. Nous vous attendons jusqu'à 11h30. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Pour vous laisser le temps de composer le 99-2000 ou d'envoyer vos SMS au 06 92 70 2000 pour interpeller nos experts de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sur l'aide au logement ou encore la non-décence. On cale pour vous David Bowie, Let's Dance. Il danse, mais il oublie pas téléphoner surtout. 99-2000, à tout de suite. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song. Let's sway through the crowd to an empty. Monsieur David Bowie, décédé au mois de janvier de cette année à New York. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Odile Damour, Yannick Nanette, ça va toujours ? Ben ça va parfait. Odile, on dirait pas. Très bien, si, si, ah si, bon si. Allez, 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions concernant la location logement, la non-décence du logement au standard de Réunion Première. Eh bien, il y a Marie de l'Entre-deux. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Quoi l'arrivée Marie? C'est très faux de me poser plusieurs questions. Aïe, aïe, aïe. Ben, commence par le commencement alors. Alors déjà, je voudrais savoir... donc, ma maman, elle a une maison sur Saint-Louis, mais elle a trois chambres et elle aimerait savoir si elle vient louer à trois locataires différents en colocation. D'accord. Oui, donc pour cette question, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, de faire attention quand on fait une location comme ça, donc en colocation, que pour qu'il y ait bien une colocation, c'est que chacun a son propre bail. Hein, donc on précise qu'il y a bien une colocation et le montant payé par chaque colocataire pour que chacun puisse avoir un bail, puisque forcément le calcul de l'aide au logement peut être différent. Donc tant qu'elle fait cette colocation, elle fait cette location en trois colocataires ou en deux colocataires, il n'y a pas de problème, il faut juste être bien précis sur les documents. Et si son logement répond au nombre de décences, on va sûrement le rajouter. Peut-être qu'il faudrait un minimum de 9 mètres carrés par personne. Donc si la chambre est inférieure à 9 mètres carrés, ça pourrait poser problème. D'accord, il ne suffit pas d'avoir un endroit où on peut mettre un lit, quoi. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Il faut veiller à ce qu'il y ait des ouvertures sur l'extérieur, en ce qui concerne les chambres. Notamment. D'accord. Que ce ne soient pas des pièces complètement... Tout fermé. Voilà. Donc voilà, il y a certaines conditions que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Il y a un guide pratique du propriétaire bailleur que vous pouvez trouver en ligne sur le site de la CAF. Donc n'hésitez pas à bien regarder. D'accord. Marie, d'autres questions ? Ou c'est bon? Oui. Non. En fait, moi, je suis actuellement dans une location. D'accord. Et en fait, mon propriétaire, en fait, j'ai un petit problème ce mois-ci. Donc, je lui ai dit que je paierai ce mois-ci, mais en retard. Et elle m'a dit qu'il y avait des pénalités. Et je voulais savoir si c'était vraiment vrai qu'il y avait des pénalités. Ben ça doit être précisé dans votre contrat, hein, dans votre contrat de bail. Généralement, le propriétaire indique que le loyer mensuel doit être payé avant telle date. Et ils peuvent en effet rajouter des pénalités, hein, puisque normalement, on sait que voilà, quand le bail doit être respecté. Après, réellement, est-ce qu'on a vrai ou tort là pour... Oui, mais si c'est pas marqué, Odile... Si c'est pas marqué, non. Pour moi, tant que le loyer il est payé, après, elle peut faire ce qu'elle peut... Parce qu'à ce moment-là, elle peut dire qu'il y a un impayé. Mais en tout cas, même pour la CAF, il ne s'agira pas sur un mois de loyer en retard, il ne s'agira pas d'un impayé. Donc, pour nous, il n'y a pas de motif ou de conséquence sur vos droits. Hein. Est-ce qu'on peut conseiller à Marie de, malgré tout, faire un petit courrier pour préciser que le loyer sera payé, mais avec un petit peu de retard ? Oui, de toute façon, comme on disait, tout ce qui mieux, est formalisé est quand même mieux, avec en justificatif, bouche, en traçabilité. Donc, c'est vrai que si elle formalise ce retard par un courrier, oui, il serait préférable. D'accord. Juste peut-être ajouter... Attends, Yannick, pour qu'on finisse le coup, là, Marie. Oui. Alors Marie, juste pour préciser, quand on rédige un contrat de location, donc ce contrat de location-là est soumis à certaines règles également, notamment à la loi de juillet 89. Moi, je vous invite, en tant que locataire, même pour les propriétaires, de vous rapprocher de la DIL pour savoir ce qui est possible de rajouter ou pas à ce contrat-là. Parce que si les éléments sortent du champ et de l'esprit de cette réglementation-là, même s'ils sont écrits, signés ou marqués, offerts, ils ne seront pas pour autant valables. Donc, rapprochez-vous de la DIL si vous avez, comme ça, des éléments un peu plus spécifiques qui sont à intégrer ou à ne pas prendre en compte dans un contrat de location. Marie, restez bien à l'écoute. Avant la fin de l'émission, on redonnera toutes les coordonnées nécessaires. D'accord ? D'accord. Allez, bon courage, Marie. Bisous à maman. Oui. Allez, bye bye. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message, un coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message, mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, on roule chez Gali. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit et aide à ouvrir de boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. Première. Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Moins de 10 minutes pour poser toutes vos questions à nos experts de la Caisse d'allocation familiale. Nous parlons à jusqu'à 11h30 et bien de l'allocation logement et de la non-décence du logement. Avec nous au téléphone, il y a Jean de Saint-Joseph. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. L'écoute à où Jean ? Oui, voilà. Donc voilà, ma propriétaire d'un logement, mais avec un prêt, et on a droit à l'aide de logement. Et comme il reprend les revenus de 2014 pour faire le calcul, nous avons bien diminué. Et en 2014, on était à quatre à la maison, moi, madame et deux enfants, en charge. Et je voulais savoir c'est sur quels critères, sur quel montant de base pour faire le calcul de l'aide de logement, quoi. Alors, Odile Damour. Alors monsieur, donc en effet, pour le calcul de vos droits de 2016, on va prendre en compte les revenus d'occupation en 2014. Par contre, on prendra en compte la composition familiale et la situation professionnelle de 2016. D'accord, d'accord. Donc d'accord. Pour le coup, ça va être en fonction, donc soit vos revenus ont augmenté en 2014, pour que l'allocation logement ait diminué, soit que vous avez un enfant en charge en moins, un enfant qui a quitté le foyer. En avril de cette année. Et est-ce que c'est à ce moment-là que l'allocation de logement a diminué ? On avait déjà diminué par avant, elle a continué à diminuer par la suite. Donc voilà, donc c'est sûrement que vos revenus de 2014 étaient déjà un petit peu plus élevés que ceux de 2013, d'accord ? Oui. Et alors avec le départ de l'enfant, il y a une part en moins, donc le calcul de l'allocation de logement est revu généralement à la baisse. Après, par rapport aux situations professionnelles également. Donc, si à cet moment, vous étiez au chômage indemnisé, au chômage non indemnisé, si vous reprenez une activité salariée, à chaque fois, ça joue sur la base ressources, puisque quand même, si on prend en compte les revenus 2014, on est obligé de prendre en compte quand même la situation actuelle. D'accord ? Oui, donc, pour d'accord. le coup, si votre situation professionnelle est restée la même, donc ça va pas, ça, c'est généralement pas ça qui va jouer. Donc, ça va être vraiment sur la base ressources, donc les revenus augmentés et le départ de l'enfant au foyer. Mais généralement, il n'y a pas d'erreur dans ce genre de calcul. Ça se fait automatiquement par le système informatique. Par contre, bien préciser quand il vous reste des enfants à charge, s'ils sont toujours étudiants ou pas. D'accord. Non, parce que maman, mon enfant a été majeur, elle est partie de la maison cette année en avril. Oui. Et mes revenus, c'est toujours les mêmes, quoi. Mes travail au SMIC depuis 2014. C'est ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans votre situation, quoi, semble-t-il. Et quand votre enfant est parti, cet enfant a ouvert droit à quelque chose d'autre ou... Non, elle n'a pas rien. Après avril, elle a eu un contrat de... Comment ça s'appelle ça? Les nouveaux contrats, ils sortent pour les jeunes. D'accord, mais elle n'avait pas droit à d'autres allocations, je veux dire. Non, elle n'était pas bénéficiaire de la CAF. Aucun revenu, ni madame, ni la fille majeure. D'accord, donc normalement, quand même, monsieur, quand vous n'avez vraiment aucun changement, le droit n'aurait pas dû diminuer, surtout si vous me dites que vos revenus sont restés les mêmes. Vous avez commencé en 2014, ça me semble... Bon, normalement, il n'y a pas d'erreur sur ça. Vous pouvez également faire un mail à la CAF pour demander l'explication sur cette diminution. Vous aurez un retour rapidement, on vous expliquera exactement qu'est-ce qui a été pris en compte pour le calcul et qui a fait diminuer votre droit en janvier. Après, sur le mois d'avril, c'est sûr que c'est le départ de l'enfant, mais au moins être sûr qu'est-ce qui a fait diminuer le droit sur janvier. Restez pas sur un doute quand même. Voilà, donc posez la question, n'hésitez pas à le faire, Jean, d'accord ? Comme ça, au moins, on sera un petit peu mieux fixé. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Allez, nous quitte Saint-Joseph, nous ça va Saint-Pierre. Myriam est avec nous pour une question concernant l'aide au logement. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, ma question, effectivement, oui, concerne l'aide au logement. Actuellement, je suis locataire. D'accord. Je travaille, j'ai un enfant à charge, un enfant de 7 ans. Je précise là, je ne sais pas si c'est un... ça a son importance ou pas. Sait-on jamais, vaut mieux dire. Voilà, et je n'ai... on va dire, pour ainsi dire, pratiquement jamais perçu de l'aide au logement. D'accord. il me semble que j'avais fait une demande, mais que on m'avait donné une explication, je n'ai rien compris. En fait, comment en fait ils font pour le calcul de l'aide au logement? Ça s'est basé sur quoi? Alors, sur les revenus, sur l'enfant. Myriam, merci de cette question. Ça va nous permettre plus généralement d'expliquer comment est calculée cette allocation logement. Voilà, merci. Donc normalement, madame, donc pour le calcul de votre allocation logement, donc comme je disais à monsieur auparavant, hein, on prend vos ressources annuelles sur N-2. Donc là, actuellement, on est en 2016, on va prendre vos ressources 2014. D'accord. Par contre, on va prendre votre situation professionnelle et situation familiale à ce jour. D'accord. Donc normalement, là, pour vous, pour une personne seule avec un enfant, pour être bénéficiaire de l'allocation logement, vous ne devrez pas dépasser pour 2014 20 400 euros de ressources. D'accord. Donc, si vous dépassez ce montant, vous n'avez pas le droit pour ressources supérieures au plafond. D'accord. Après, comme je dis, il faut toujours bien informer la CAF de tout changement de situation professionnelle, surtout dans le cas de l'allocation logement, puisque, comme je disais, quand quelqu'un devient au chômage indemnisé, on a droit à un abattement. Hein, sur les ressources annuelles du N-2. Quand on devient au chômage non indemnisé, on a carrément une neutralisation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout en compte les revenus PHU en 2014. Ce qui permet de revoir la situation au moment où on est dans la cata. Quoi. Voilà, exactement. Okay, par contre, il faut en effet faire la demande, puisque les droits seront réétudiés si la demande est enregistrée chez nous. D'accord. Voilà, redonnez-moi juste le montant, le plafond qu'il fallait pas dépasser en 2014, s'il vous plaît. 20 000 combien ? 20 400 euros. Voilà. D'accord, bon, ok. Ben, je pense que je refais une petite demande. Ben non, ben, je pense que je dépasse le plafond, donc ça marche pas. Mais toute vous voyez pas le motif, madame, sur votre compte, sur la rubrique de la CAF.fr, vous voyez pas pourquoi vous êtes pas bénéficiaire? Il faudrait que j'aille regarder de plus près. Alors. Voilà. Rejette un yeux, Myriam. Et puis, Myriam. N'hésitez pas si vous... M'ajette un, même parce que m'aurait besoin le deuxième. Oui, regardez, voilà, mais si au cas où... Et puis, en fait, comme je disais à monsieur, hein, si vous ne restez pas dans des doutes comme ça, faites des mails qu'on répond pour avoir des explications. Pourquoi. Et comme ça, on vous dit aussi de surtout pas oublier de déclarer tout changement. Hein. D'accord. Oui, d'accord. Non, mais je pense que vous avez bien répondu à ma question. Ah bah tant mieux, alors. On vous demandera au deal d'amour de revenir si elle répond bien aux questions. Merci beaucoup, Myriam. Merci en tout cas. Allez, au revoir. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée Nadia? Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un fils qui fait des études à Saint-Denis. Oui. J'ai un logement. Oui. Mais il paye 625 euros. 605 euros. 625 euros. D'accord. Et il a fait une demande d'allocation logement. D'accord. Il a vu cette allocation logement, mais moi j'ai quand même peur parce que jusqu'à présent on n'a pas le droit aux prestations sociales par rapport à nos revenus. D'accord. Alors je voulais savoir si en faisant cette demande, il a une certaine somme d'argent tous les mois, je voulais savoir si elle était vraie réellement due. Il ne faut pas que l'année prochaine, on nous demande de rembourser. Alors, est-ce que les étudiants, pour les étudiants, on tient compte des revenus des parents? Eh bien non, madame. Donc, si votre enfant, il a ouvert droit, donc en tant qu'étudiant, sur son propre dossier, donc on ne prend pas en compte les revenus des parents. Donc, même si vous, en effet, en fonction de vos revenus, vous n'aviez pas droit aux prestations familiales auprès de la CAF, votre fils, en tant qu'étudiant, peut bénéficier de l'allocation logement. Après, pour les étudiants, la seule différence, c'est de savoir s'ils sont boursiers ou pas. Donc, généralement, si vous n'avez pas été bénéficiaire de la CAF, il n'est pas boursier. Donc, le montant peut être différent de son droit à l'allocation logement. Mais normalement, il a un droit potentiel puisqu'on ne prend pas en compte les revenus des parents. D'accord, parce qu'en fait, il n'est pas boursier. Oui. Il n'est pas boursier et au niveau fiscal, il est rattaché à notre foyer fiscal. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça pose pas de problème, ça, Odile. Il est étudiant, il est encore à charge des parents. D'accord. Il y a quand même quelques spécificités, hein. Bon, ben c'est bien concernant ça pour la résidence. Donc pour le moment, on a encore de la chance que pour les étudiants, on ne prend pas les ressources des d'accord. parents. D'accord. Eh bien, soyez rassurés, Nadia. Tant mieux. Il remboursera pas rien. J'ai déjà eu des situations. Où oui, on comprend bien. Une année. Et après, quand on a demandé de régulariser en fournissant des pièces, c'est la douche froide. De tout rembourser. Eh bien, ce ne sera pas votre cas. Vous avez bien raison. Et ne pas avoir remboursé. Voilà, Nadia, vous savez tout. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée, bye. On ça continue. Ah bah, tant mieux. Si vous êtes rassurés, nous, on se sent mieux, Nadia. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bye. À Saint-Louis, Antoine également a une question à me poser. Bonjour, Antoine. Bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée, Antoine? Alors, moi, j'aurais voulu savoir pourquoi on n'a pas droit à l'aide au logement lorsque on loue son logement, je suis propriétaire, à un ascendant qui n'a jamais été propriétaire, qui a toujours été locataire ailleurs. Oui. Et pourquoi, en venant habiter dans un logement dont je suis propriétaire, il n'a pas droit à l'aide au logement? C'est juste la législation en vigueur, monsieur. Hein. Donc là, il n'y a pas réellement un motif exact. C'est la législation de la CNAF, hein, de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est en vigueur, qui indique que entre ascendants et descendants, on n'offre pas droit à l'allocation logement. Puisque je pense que peut-être pas après. Dans un cas bien précis où voilà, où cet ascendant-là est locataire ailleurs et n'est pas propriétaire lui-même. Pourquoi on n'ouvre pas ce genre de droit aux descendants, puisque logiquement, la relation entre le locataire et le propriétaire, dans ce cas-là, ça serait plus, on va dire, moins tendu. Oui, donc, en effet, mais après, là on ne peut rien y faire. Hein. C'est vraiment la législation en vigueur. Oui, ce n'est pas Odile Damour l'a décidé. Hein. Yannick Nanette, tout pense bien. Voilà, oui, sans vouloir être dans l'interprétation, peut-être pour éviter des conflits d'intérêts aussi. Parce que... Peut-être, oui. C'est délicat. Mais bon, mais si tout est notifié dans un bail, il n'y a plus. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez dire par là, si on fait les choses dans les normes avec un vrai propriétaire, un vrai locataire, un vrai loyer payé. Dans le bail, lui, il tient lieu entre deux personnes, locataire-bailleur, et non plus entre ascendant et descendant. Voilà. Désolé, monsieur. On comprend bien. Je voulais soulever cette question. Mais là, malheureusement, on ne pourra pas vous aider à part vous dire que c'est la législation. C'est comme ça, c'est pour comme le moment ça. En tout cas. Ça peut peut-être évoluer dans le futur, mais pour l'instant, malheureusement, on applique cette réglementation-là. Merci à vous, Antoine. Merci, bonne journée, au revoir. Donc là, on le rappelle, Odile, ça rappelle. Il y a entre le lien ascendant et descendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une location donc par maman, pour son fils. C'est la location logement, en tout cas. Voilà, c'est ça. Bon, il peut louer, évidemment, mais par contre, on ne peut pas avoir la location logement. Exactement. Pareil entre petits-enfants et grands-parents. C'est ça. Mais par contre, entre la nièce et l'oncle, y a pas de problème. C'est possible, par exemple. En collatéral, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Des questions également qui sont arrivées par SMS, par exemple. Cette question, c'est quoi le plafond pour obtenir la location logement pour un couple sans enfants, mais les deux travaillent? C'est quoi le montant des revenus, Odile? 15 500. Pour 2014, il ne faut pas dépasser 15 500 euros. Question, c'est 15 500 ronds, ou est-ce que si on est à 10 euros en plus... Eh bien, 15 500, hein, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ben non, c'est intégré par un modèle informatique qui, lui, malheureusement, n'a pas de petit cœur. Voilà. Ben non, il n'a pas de petit cœur, il a juste un processeur. Et voilà. On a également cette question de Natacha qui nous dit que ça fait 5 ans qu'elle est locataire d'un même logement. Son allocation logement, nous précise-t-elle, ne bouge pas alors que son loyer, lui, augmente chaque année. Comment c'est possible? Est-ce que l'allocation logement, le montant, prend en compte les augmentations de loyer ou que nenni? Oui, normalement, ça prend en compte. Après, tout dépend du montant de l'augmentation. Tout va dépendre, comme toujours, de la composition, des revenus de la famille. C'est vrai que, sensiblement, les augmentations de loyer ne dépassent pas généralement 5% annuel. Non, il y a un indice qui est donc calculé tous les ans. Vous pouvez vous rapprocher de la DIL, d'ailleurs, pour cette information-là. Donc, les propriétaires peuvent effectivement augmenter ou pas. Hein. D'ailleurs, ils ont le choix sur cette augmentation, mais ils sont soumis, pareil, à un indice qui est d'ailleurs... vous avez la possibilité, en tout cas, d'avoir cette information-là auprès de la DIL. Alors, également cette question par SMS, et on vous demande d'envoyer vos questions, donc on se fait vraiment, on essaye d'y répondre au maximum au 70-2000. Lorsque le locataire au DIL quitte le logement, et que l'on reçoit justement donc, cette allocation de logement, et qu'il a quitté, est-ce qu'il faut rembourser à la CAF, ou est-ce que c'est au locataire de rembourser? Alors là, tout va dépendre, en fait, si le locataire, il a respecté ou pas sa date de fin de bail. Hein. Donc, en effet, si la date de fin de bail est un exemple, là, le 28 septembre, donc la location logement du mois de septembre n'était pas due. D'accord. Donc, si la locataire il a bien respecté sa date de fin de bail, donc elle sera au bailleur de rembourser la CAF puisqu'il a perçu une allocation logement après que la date de fin de bail est terminée. Mm-hmm. Par contre, dans le sens inverse où la locataire n'a pas respecté, il a quitté le logement alors que son préavis n'était pas terminé, normalement, on demande au locataire de rembourser. Mais après tout ça, on ne peut pas aussi verser une allocation logement si la personne n'occupe plus les lieux. Mm-hmm. Donc, en fonction de la situation, en fonction des justificatifs qui nous est fourni, le trop perçu peut être affecté à la locataire ou au bailleur. D'accord, donc ça dépend. Odile et Yannick, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez envie de revenir sur des points importants ou ce qui est arrivé à nos auditeurs, ou les revenir là-dessus, notamment concernant la non-décence du logement, Yannick? Bah écoutez, moi j'aurais peut-être profité pour préciser, parce que c'est vrai qu'on a parlé particulièrement des locataires. Faut savoir que la CAF, comme je vous disais en début d'émission, dans le cadre de son action sociale, donc elle contribue donc à la lutte contre la non-décence des logements sur le département, mais elle octroie également des aides aux propriétaires occupants, donc qui souhaitent mettre leur logement aux normes de décence. Donc il y a des aides qui sont versées par cette CAF sous forme de prêts ou de subventions. Donc vous pouvez, on est un petit peu court dans les délais, mais vous pouvez avoir des informations donc en appelant donc le numéro de la CAF, donc pour ces informations-là ou pour toute autre demande d'information, donc le 0810 25 97 40. 0810 25 97 40. Donc on vous informera sur les conditions donc pour pouvoir accéder à ces aides là. Rapidement, donc un diagnostic est réalisé par un enquêteur habitat, donc qui détermine les travaux à réaliser pour remettre ce logement là aux normes. Donc il s'agit de travaux pour remettre un logement aux normes de décence. On est d'accord. Des travaux pour l'amélioration, voilà, remettre un jacuzzi, tout ça, ça marche pas. Super jacuzzi, hein, ou etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a une démarche à effectuer, un imprimé à compléter. Ensuite, on vous accompagne dans cette démarche là. Donc voilà. Précisez également aux locataires si vous avez l'impression que votre logement, alors que vous percevez, votre propriétaire perçoit une allocation logement, ne correspond pas à des normes, que ce soit de surface, de fenêtres, de décence, d'infiltration, etc. Il faut le signaler, Yannick. N'hésitez pas à signaler-le à votre propriétaire, mais pas oralement. Faites toujours un courrier. Il est toujours important. On le voit depuis lundi dans cette émission. La confiance, ça n'a fait marche. Puis voilà, ça met tout et surtout que les conflits naissent souvent de ça. On a fait confiance. Oui, m'a dit mon propriétaire. Voilà. Oui, il y a dit à moi, il y va faire. Mais au final, voilà, quand le conflit prend forme. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, prévenez votre CAF. Prévenez votre propriétaire. Vous avez sur le site de la CAF, vous pouvez accéder à un guide des locataires dans lequel vous allez trouver une grille d'autodiagnostic qui vous permettra d'évaluer justement la non-décence ou la décence de votre logement. Ce guide est valable aussi pour les propriétaires. Donc n'hésitez pas, posez des questions. Vous avez également la DIL, comme je vous ai dit, qui est un partenaire important de la caisse d'allocation familiale. Donc prenez contact avec ces différents acteurs. La DIL 02 62 41 14 24, pour Tout ceux qui fait. Ont besoin de renseignements. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, mais formalisez toujours vos démarches. Yannick, c'est très important. Nanette, merci beaucoup. Odile Damour, on va terminer en disant qu'on l'a entendu, vous l'avez bien répété au cours de cette émission, quand on a une décision concernant son allocation de logement, il coupe, il ne gagne pas, on peut demander pourquoi. Il ne faut pas hésiter à contacter la caisse d'allocation familiale. Exactement. Par contre, juste pour informer, pour rappeler aux allocataires, informer la CAF de tout changement de situation familiale ou professionnelle. Voilà, pour éviter des trop perçus. Et d'avoir à rembourser de toute façon. À rembourser, exactement. Et on rappelle pour tous les allocataires qui nous envoient des courriers de bien mettre votre numéro d'allocataire pour que les courriers ne soient pas perdus. On a des recherches, mais ça peut être plus long. Donc précisez bien votre numéro d'allocataire. Et faites-le sur chaque document. Parce qu'on a bientôt un nouvel applicatif qui prendra en compte. Justement, il y aura une lecture qui sera faite de ces numéros d'allocataires-là. Mais veillez à le préciser sur l'ensemble de vos documents. Si vous avez 10 pages, vous écrivez 10 fois votre numéro d'allocataire. Et, ben voilà. Et n'oubliez pas que la CAF a déménagé. Donc c'est maintenant le 412 rue Fleur de Jade. On a encore pas mal de courriers qui arrivent sur Centre-Ville Saint-Denis. On est au bout de séjour, on n'est plus à Général de Gaulle. Voilà, maintenant au moins, tout le monde le sait. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous. Odile Damour, merci. Yannick, Nanette sur la première pour votre émission. Les experts, un peu de douceur. Vanessa Paradis, il y a sur la première. Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y elle a les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a Vanessa Paradis sur la première. Aujourd'hui, votre émission était consacrée à la location logement et à la décence, non-décence du logement. Sachez que demain, eh ben, on va changer complètement de thématique. Il sera question de bien-être, de santé et de sport. Nous serons avec le nutritionniste Friedorfen 2, accompagné du coach sportif Nicolas. Ouh là là, autant vous dire qu'il faudra mettre ses baskets. Pourquoi tu me regardes, le dites d'amour. Le diagonale des fous oblige. Bah oui, au moins ça. Je me rappelle de ce défi, ce Facebook. Que j'ai remporté, bien sûr. Donc voilà, donc vous chausserez eh bien, vos baskets, être en forme, bien manger pour se sentir mieux, maigrir, pourquoi pas. Après bébé, ça peut sembler pour certaines très difficile, mais c'est possible. Vous pourrez participer à l'émission, poser toutes vos questions 99-2000 par SMS au 70-2000. S'envole et elle n'est qu'éphémère. Elle nous vole avant qu'on la possède. C'est vrai que grâce à elle je persévère. Et il s'avère que sa saveur m'obsède. J'ai besoin d'être en sa compagnie. Elle m'aide et me soutient. Je ne suis rien sans elle. Elle compatit à la douleur des miens. Elle sourit quand je pleure. Elle vit quand je meurs. Je ne suis qu'un pantin qui vit inconsciemment se leurre. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils adorent, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Ce n'était que pour la gloire qu'ils ont emprunté ce chemin sans savoir qu'ils n'y boiraient que du noir. En se remémorant toutes leurs histoires. Et c'est seulement quand on se ment, quand que l'on se blesse tout doucement. Il n'y a rien à faire, on ne peut s'en défaire, on en a fait le serment. Et c'est souvent en l'écoutant qu'on se rappelle qui on est vraiment. Leur paradis est un enfer où ils trouvent la voie du démon si envoûtant. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils adorent, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Elle est ma vie, ma vie, ma musique, ma musique. Elle est ma vie, ma vie, ma musique, ma muse. Elle est ma vie, ma vie, ma musique, ma musique. Elle est ma vie, ma musique, ma musique. Elle a le cœur sur ma main et je ne vais plus vous l'attendre. Son amour est à nous mais pas avant. Ils l'utilisent à tort, ils adorent s'en vanter. Ils ne savent plus à qui s'en prendre. Pixel sur la première et son titre musique. Si vous avez oublié de noter ces numéros de téléphone, notez bien le numéro de la caisse d'allocation familiale si vous avez besoin de renseignements concernant vos aides, votre allocation logement. Posez des questions sur pourquoi est-ce que Zotti gagne pas, s'il a coupé, ou alors des renseignements concernant les ressources qui rentrent dans le calcul de l'allocation logement. Le 0810 25 97 40, le 0810 25 97 40. Également, notez le numéro de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Il s'agit du 41 14 24 02 62 41 14 24. Notez également que tous les renseignements utiles concernant l'allocation logement ou encore la non-décence sont à retrouver sur la page Facebook des experts. Donc vous pouvez retrouver ça dès maintenant avec les numéros de téléphone et les différents conseils qui ont pu être donnés au cours de l'émission. Sun to keep me dry. Liar. infos sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Première. Ne manquez pas ce rendez-vous tout à l'heure, 12h15, c'est dans l'actu, il sera question de la carrière des lataniers. Les possessionnaires ont-ils vraiment le choix avant de décider de donner ou non son feu vert à l'extraction de roches? La mairie de la possession organise une consultation citoyenne et un sondage. Hausse d'impôts et création d'une route entre le cœur de ville et la NRL sont mises en avant. Il en sera question avec Philippe Dornier, 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions. En plateau aujourd'hui, Stéphanie Gigant, la présidente de l'association Latanier Nous de Cœur de Vie, Jean-Christophe Espérance, adjoint au maire de la Possession, chargé de la démocratie participative, du développement économique et des espaces naturels. C'est dans l'actu consacré à la carrière des lataniers. C'est tout à l'heure à 12h15. Y pienso en ti, ¿dónde estás tú? J'ai besoin de faire un break. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. Chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin, si je rencontre une âme belle. Et toi ce lien, je prends le train. Laurent Pagny, Angoun, nos vies parallèles. Très bon mercredi à tous sur la première. Première. 11h50 sur la première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Tessier, née Téchère, Anne-Marie. Madame Tessier, née Téchère, Anne-Marie dit Nano. Le décès est survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 17 rue des Plantes à la rivière Saint-Louis à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Lebon, Maurice. Monsieur Lebon, Maurice, dit Tikaï. Le décès survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 92 boulevard de l'Océan, Manapani-les-Bains, à Saint-Joseph à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Butor à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Décès de Madame Komorasami Bebi, veuve de Raphaël Komorasami. Madame Komorasami Bebi, veuve de Raphaël Komorasami. Le décès est survenu hier à Piton-Saint-Leu à l'âge de 73 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 172 chemin Mazot à Piton-Saint-Leu aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Grand-Fonds-Saint-Leu à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Leu. Décès de Monsieur Payette Paul Jean-Max. Monsieur Payette Paul Jean-Max. Le décès survenu hier à l'âge de 61 ans. La veillée a lieu à la salle mortuaire de l'Entre-deux. Le convoi mortuaire sortira de la salle aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Entre-deux à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Entre-deux. Décès de Monsieur Bergier Nicolas Simon. Monsieur Bergier Nicolas Simon. Le décès est survenu hier à l'âge de 92 ans. La veillée a lieu à la salle mortuaire de l'Entre-deux. Le convoi mortuaire sortira de cette salle aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de l'Entre-deux à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Vavelin, née Iteva Fernande. Madame Vavelin, née Iteva Fernande. Le décès est survenu hier à l'âge de 92 ans. La veillée a lieu au domicile 20 impasse Coupama à Terre Sainte à Saint-Pierre. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse à 15h cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de Terre Sainte à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Dallot, Marie Noëlette. Madame Dallot, Marie Noëlette. Le décès survenu hier à l'âge de 48 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle franc d'essai de Saint-Benoît. Tout à l'heure, 14h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Atta Roch Charles. Monsieur Atta Roch Charles, dit Charles. Le décès survenu lundi à l'âge de 85 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile, 6 rue des Grenadiers à la rivière Saint-Louis, aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Samaria Eugène. Monsieur Samaria Eugène, le décès survenu lundi à l'âge de 87 ans. La veillée aura lieu à partir de 15h au centre funéraire. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire du Sud. La bénédiction aura lieu à la chapelle à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Boyer, Suzy, née d'amour. Madame Boyer, Suzy, née d'amour. Le décès survenu lundi à l'âge de 81 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 35 rue Leblon, SIDR La Source, à 14h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de La Source à Saint-Denis à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est à Saint-Denis. Décès de Madame Potin, Marie-Thérèse, née Mallet. Madame Potin, Marie-Thérèse, née Mallet. Le décès est survenu hier à l'âge de 86 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 4 cité Ernest Lapinsonnière à Sainte-Thérèse à la Possession, aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Thérèse à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques informations pratiques. On va démarrer avec cette bonne nouvelle de la Compagnie Générale des Eaux qui informe ses clients de la commune de Saint-Denis que l'eau du robinet peut à nouveau être consommée sans restriction d'usage sur les réservoirs suivants, Butor et Le Brûlé. Sachez également, concernant la Cise cette fois-ci, qu'en raison de travaux de réhabilitation du réservoir de cratère, des perturbations sont à prévoir sur l'ensemble du secteur cratère pendant toute la durée du chantier prévu jusqu'à vendredi 14 octobre. La Cise Réunion remercie ses clients de leur compréhension. Et à partir de midi, c'est elle qui vous accompagne. Bonjour Ingrid. Bonjour Isabelle. Comment qu'il est ? Oui, ou même. Oui, ça va bien, le temps est beau, il fait bon, il fait pas trop chaud. Ah, quoique, hein, quoique dans l'après-midi, il commence, un petit peu. Point oui, point non, on risque de gagner un petit refroidissement. Fais attention. Avec un coup de soleil, les deux ensemble, t'as pas de ville. Imagine, tenez, coulot de peau épluche. Là, elle est jolie. Eh bien, on appelle demain dans les experts le bien-être. Hein. Le bien-être, comme net, ça, reste tout casse, mais un peu de sport. De Bof, hein. Oui. Bon. Ou pas.